La peine de mort a été abolie en France le 9 octobre 1981 sous François Mitterrand à l'instigation de Robert Badinter, avocat à la Cour d'appel de Paris, qui fut ministre de la Justice de Mitterrand de 1981 à 1986, puis président du Conseil constitutionnel. Mais la peine de mort n'a pas été abolie partout. Voici un article des Luttes ouvrières du 18 novembre 2011. Pour la seconde fois, l'exécution prévue de Hank Skinner a été suspendue mercredi 9 novembre. La Cour suprême des États-Unis devait examiner un recours de ses avocats après le rejet par un tribunal texan de sa troisième demande de test ADN qui pourrait l'innocenter. Mais cette suspension n'est peut-être qu'un sursis. Après l'exécution en septembre dernier de Troy Davis, dont tout indique qu'il était innocent, les États-Unis continuent de se comporter comme un État barbare en continuant d'appliquer un châtiment d'un autre âge. Car, même si un homme a commis un crime, aussi odieux soit-il, rien ne justifie que l'État limite en l'exécutant à son tour. Ceux qui justifient la peine capitale estiment juste de pratiquer la vieille loi biblique du talion. Celui qui a tué doit être tué à son tour. Il faudrait alors exiger que l'incendiaire voie sa maison incendiée, que le violeur soit violé et le tortionnaire torturé, ce qui revient à adopter l'inhumanité des criminels. Les partisans de la peine de mort prétendent qu'elle a un effet dissuasif sur la criminalité. Alors, pourquoi les couloirs de la mort du Texas sont-ils remplis de condamnés qui, comme Skinner, attendent pendant des années leur exécution, alors qu'il y a 4 fois plus d'exécutions au Texas que dans n'importe quel autre État des États-Unis? La peine de mort élimine le condamné, mais maintient toutes les causes de la criminalité. Ce meurtre commis par l'État, confondant vengeance et justice, est un châtiment barbare qui doit être aboli aux États-Unis et partout où il a encore cours. Signé Jacques Fontenoy.